ouvir. Cicatrice du temps, que ce soit le jour ou la nuit, elle est si fatiguée d'être ici. Dis-le tout haut, dis-le en entier, que tu résistes ou que tu tombes, quand elle s'échappe de ta main et qu'il n'est plus temps de rire. Il me semble que les blessures ne guériront pas, ces douleurs lui sont insupportables. Ce sentiment d'être seul dans le noir, en bout de souffle, comme une étincelle volée, les mains vides, le cœur serré. Tu devrais savoir que l'espace est sacré, pas la raison d'aimer. Le présent ne soigne pas les cicatrices du temps. C'est pourquoi j'aimerais que tu partes tout simplement, car l'ombre de ta présence résiste, elle ne me laissera pas en paix. Ne me retiens plus, laisse-moi partir. Tu as préféré vivre sans moi, la vie est impossible sur terre. Mes larmes coulent, ne viens pas les essuyer. Je prie, tu ne m'entends pas, j'ai tout ce qu'il me faut pour me libérer. Et cela, ce n'est pas grâce à toi. Elle ne peut pas dire qu'elle soit perdue, qu'elle n'aime pas la lumière et l'obscurité. Elle pense que le monde s'écroule sous ses pas, que la vie n'en vaut pas la peine d'être vécue. Et tout ce qu'elle ressent, elle pourrait te le montrer ce soir. Mais ce soir, autrefois, tu l'as captivée par ton visage mouvementé, tes bras enveloppés. Elle reste prisonnière de cette vie que tu as laissée, pour s'enfuir de son monde passé. Le deuil de cette future doit avancer, pour repartir du bon côté. Comment la convaincre que tu es bien parti, mais que quelque part tu sois là. Ne me retiens plus, laisse-moi partir, tu as préféré vivre sans moi. La vie m'est impossible sur terre, les larmes coulent, ne viens pas les essuyer. Je crie, tu ne m'entends pas, j'ai tout ce qu'il me faut pour me libérer. Et cela, ce n'est pas grâce à toi. Sors de cette impasse qui va te tuer, la vie si belle est tellement courte. Fais comme moi, profite du temps qui te reste. Oublie-le pour avancer, pour ne plus reculer. Le bonheur est juste à côté, retourne-toi. Je suis là, et juste là, ouvre les yeux. Je te tends mes bras, mon cœur s'ouvre à toi. Ne ferme pas le tien, oublie les cicatrices du temps. Par le bonheur d'aimer. Sors de cette impasse qui va te tuer, la vie est si belle et tellement courte. Fais comme moi, profite du temps qui te reste. Oublie-le, avance pour ne plus reculer. Le bonheur est juste à côté de toi. Je suis là, oui, juste là, ouvre les yeux, je te tends mes bras. Mon cœur s'ouvre à toi, ne ferme pas le tien. Oublie les cicatrices du temps, par le bonheur d'aimer. Que ce soit le jour ou la nuit, elle est si fatiguée d'être ici. Dis-le tout haut, dis-le en entier, que tu résistes ou que tu tombes. Quand elle s'échappe de ta main et qu'il n'est plus temps de rire, il me semble que les blessures ne guériront pas. Cette douleur lui sent insupportable, ce sentiment d'être seul dans le noir. Un bout de souffle comme une étincelle volée, et ma vie de cœur serré. Tu devrais savoir que l'espace est sacré, pas la raison d'aimer. Le présent ne soigne pas les cicatrices du temps. C'est pourquoi j'aimerais que tu partes tout simplement, car l'ombre de ta présence résiste, elle ne me laissera pas en paix. Ne me retiens plus, laisse-moi partir, tu as préféré vivre sans moi, la vie est impossible sur terre. Mes larmes coulent, ne viens pas les essuyer. Je prie, tu ne m'entends pas, j'ai dit ce qu'il me faut pour me libérer. Et cela, ce n'est pas grâce à toi. Elle ne peut pas dire qu'elle soit perdue, qu'elle n'aime pas la lumière et l'obscurité. Elle pense que ce monde s'écroule sous ses pas, que la vie n'en vaut pas la peine d'être vécue. Et tout ce qu'elle ressent, elle pourrait te le montrer ce soir, oui, ce soir. D'autrefois, tu l'as captivée par ton visage mouvementé, ta voix émoustillée, tes bras enveloppés. Elle reste prisonnière de cette vie que tu as laissée, pour s'enfuir dans son monde passé. Le deuil de cette future doit avancer, pour repartir du bon côté. Comment la convaincre que tu es bien parti, bien que quelque part tu sois là. Ne me retiens plus, laisse-moi partir, tu as préféré vivre sans moi. La vie est impossible sur terre, les larmes coulent, ne viens pas les essuyer. Je crie, tu ne m'entends pas, j'ai tout ce qu'il me faut pour me libérer. Et cela, ce n'est pas grâce à toi. Sors de cette impasse qui va te tuer. La vie est si belle et tellement courte. Fais comme moi, profite du temps qui te reste. Oublie-le, avance pour ne plus reculer. Le bonheur est juste à côté de toi. Retourne-toi, je suis là, oui, juste là. Ouvre les yeux, je te tends mes bras. Mon cœur s'ouvre à toi, ne ferme pas le tien. Oublie les cicatrices du temps, par le bonheur d'aimer. Sors de cette impasse qui va te tuer. La vie est si belle et tellement courte. Fais comme moi, profite du temps qui te reste. Oublie-le pour avancer, pour ne plus reculer. Le bonheur est juste à côté, retourne-toi, je suis là, oui, je suis là.